Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Morant is dead. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Transmission en quarantaine, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Je ne suis encore une fois pas bien entouré de mes amis qui sont à l'autre bout des internets. Alors Manuel As, bonsoir, es-tu là ? Oui Olivier, bonjour à toi. Merci, ça fait plaisir. Julien Rombaud, es-tu là ? Oui, je suis là, salut à tous les confinés. Et monsieur Lucien Alflans de Liège, comment vas-tu ? Ça va et toi Olivier Grinard, bonjour tout le monde. Un petit détour du côté de la publicité pour vous rappeler que si nos émissions vous plaisent, on en a fait quelques-unes quand même maintenant, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, vous pouvez nous liker et aussi interagir avec nous, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Donc, aujourd'hui, à l'occasion de sa ressortie chez Carlotta en édition DVD Blu-ray ainsi que dans un coffret ultra collector magnifique en compagnie d'une batterie de bonus et d'un ouvrage consacré à la conception du film rédigé par Franck Laffont, nous parlons aujourd'hui de Phase 4, Phase 4, le seul et unique long-métrage réalisé par le graphiste Saul Bass, sorti en l'an de grâce 1974, soit une année plutôt cool dans le cinéma américain. On pouvait y découvrir en vrac Chinatown, Une femme sous influence, Le Parrain 2, Massacre à la tronçonneuse, entre autres réjouissances. Saul Bass donc, je disais graphiste, concepteur d'affiches, réalisateur de title sequences, est né à New York en 1920. Il commence dans la publicité avant sa rencontre décisive avec Otto Preminger en 1954 sur le film Carmen Jones. Leur collaboration frappe un grand coup dès l'année suivante avec L'Homme au bras d'or, dont les copies contiendront une note obligeant les projectionnistes à ouvrir les rideaux avant le début du générique du film, parce qu'auparavant c'était jugé si ennuyeux qu'on ouvrait les rideaux pendant le générique en fait. Ainsi, Saul Bass a commencé à métamorphoser l'art du générique de film qui fait dès lors partie intégrante de la narration. Outre 6 courts-métrages antérieurs et postérieurs à Phase 4, il aurait aussi collaboré à la réalisation de la fameuse scène de la douche dans Psychose d'Alfred Hitchcock ou des scènes de combat dans Spartacus de Stanley Kubrick, tous deux sortis en 1960. Outre les réalisateurs déjà cités, Saul Bass a travaillé aussi en fin de carrière avec Danny DeVito ou encore Martin Scorsese avant de passer de vie à trépas en 1996. Alors, phase 4. Le film est écrit par Saul Bass sur la base d'un scénario de Mayo Simon, avec qui il avait déjà collaboré sur son film précédent Why Man Creates, qui gagna l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire en 1968. Produit par la Paramount, le film Phase 4 est interprété par l'anglais Nigel Davenport. Il est aussi interprété par Michael Murphy, un acteur américain, lui, qu'on a vu notamment chez Woody Allen ou Robert Altman. Et enfin, Lynn Frederick, donc dans le rôle d'une jeune fille qui s'appelle Kendra, qui est une actrice anglaise aussi, qui fut mariée par la suite à Peter Sellers. Eh oui. À la base, c'était Linda Blair qui était pressentie, mais l'exorciste est sorti un an avant et Linda Blair était beaucoup trop chère. L'histoire, c'est quoi ? Alors que les astres exercent une influence magnétique sur la Terre, un groupe de fourmis est localisé par le scientifique Ernest Hubbs dans le désert d'Arizona. En effet, les insectes ont des comportements étranges et ils semblent avoir attaqué des habitants de la région, et ils érigent d'étranges sculptures qui rappellent un peu les monolithes de Stonehenge. Le docteur vient donc les étudier en compagnie du plus jeune savant James Lesko, qui lui décrypte les langages animaliers. Tous deux installent donc un laboratoire de fortune au milieu du désert. Ils seront bientôt rejoints par la jeune Kendra, une jeune femme qui a fui alors que la ferme où elle habitait avec ses grands-parents était attaquée par les fourmis. Les très impressionnantes scènes animales réelles sont tournées par le documentariste Ken Middleham, qui avait aussi bossé sur Les Moissons du Ciel de Terrence Malick. Apparemment, Saul Bass se serait plaint que le film aurait été charcuté dans son dos par le studio. Il avait prévu une fin plus longue, qui cumulait dans un montage très coloré avec des surimpressions qu'on pourrait qualifier de sous-influence psychédélique. Le studio, lui, rabote cette fin, peut-être pour quelque chose de plus ouvert. On en parlera, j'imagine. Alors, messieurs, parlez-moi un peu de la place particulière que peut avoir le film dans l'histoire du cinéma de science-fiction. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir après toutes ces différentes collaborations que tu as citées, Olivier. Tu as peut-être un petit peu minoré, je pense, son apport dans le dessin industriel et à la pub, parce que je pense qu'on use et aujourd'hui et abuse du qualificatif de réalisateur visionnaire. Là, pour le coup, Solba, ça s'impose vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui conçoit vraiment une narration visuelle avec notamment ses génériques de films et comment imprimer ta rétine à partir d'une seule image dans la conception de logo. Ce qui est intéressant, c'est que pour ce premier film, il va s'inscrire dans un cadre de série B un peu désuet pour l'époque, en tout cas pas forcément très en phase avec les années 70 dans son idée d'affrontement de grosses bestioles qui n'en sont pas au final, mais qui ça s'apparente à ce type de genre de cinéma. Et c'est intéressant, c'est justement de voir quel choix fait Solbass dans cet affrontement entre homme et insecte. Il va pas choisir la voie qu'on a pu avoir, par exemple, chez Jack Arnold, du rétrécissement des humains pour donner un aspect effrayant aux animaux, ou à l'inverse des animaux géants face à des humains à échelle, comme on aura dans King Kong, ou bon nombre de kaiju, Eiga, des films de monstres japonais. En tout cas, il n'y a pas d'exagération du rapport d'échelle entre les fourmis et les hommes. Et justement, il se met à leur niveau. Et c'est, je pense, une approche qui est loin d'être anodine par rapport à tout ce qu'elle conditionne par rapport au propos du film sur cet affrontement entre les humains et les fourmis. Et même le sens de lecture qui va peut-être s'inverser un peu dans le final du film entre les fourmis et les humains. Ce côté un peu film de série B, il est assez mis en avant par la très belle couverture de la réédition chez Carlotta, mais par l'affiche originelle qui est un peu étrange parce qu'elle laisse imaginer un film qui n'existe pas, qui n'est pas du tout celui qui nous est montré, qui rappelle plutôt vraiment, pour le coup, qui pourrait plus correspondre à un film de Jack Arnold Le lac des morts-vivants de Jean Rollin. In the next few moments, we will try to give you an impression of a new kind of film experience. If your curiosity is aroused, you are ready for Phase 4. Je précise que l'affiche originale n'a pas été conçue par Saul Bass. C'est un film déjà que j'ai trouvé fascinant à bien des aspects, et notamment dans le côté un peu justement cul entre deux chaises, je trouve, entre le film qu'on peut imaginer des années 50 dont tu parlais, de Jack Arnold, quoique L'homme qui rétrécit, il y a un film qui finit sur quelque chose de très métaphysique, donc qui est déjà peut-être un peu en avance, mais en tout cas basé sur ses rapports d'échelle. Il y a notamment le personnage dans Phase 4, le personnage du savant principal, on va dire le savant qui est un peu guerrier, qui au début du film se fait piquer par une fourmi, et à partir de ce moment-là, il va vraiment avoir développé une espèce de figure, il va devenir une espèce de figure du savant fou que tu aurais l'impression d'avoir vu dans ces films-là et qui a été magnifiquement, pas parodié, mais auquel Joe Dante a rendu magnifiquement hommage dans son film Panique sur Florida Beach. Donc plutôt les films type Des monstres attaquent la ville ou ce genre de choses. Et en même temps, le film, il évolue sur quelque chose, un rapport qui est pas du tout d'un envahisseur contre les gentils humains, justement, parce qu'il va y avoir un flottement, et le danger ne vient pas de l'extérieur, mais il vient aussi de l'intérieur. Donc dans ce sens-là, c'est un film vraiment plus de son époque, et surtout dans ce que le film va raconter à la fin, que moi, j'ai l'impression que cette fin rapproche le film très fortement de 2001, Odyssée de l'espace, quelque chose qui va plus vers une interrogation métaphysique qui est pas habituelle des films des années 50. Et aussi, le film m'a fait penser à des films de cette époque-là qui sont souvent un petit peu brinque-ballant, du style Silent Running ou THX 1138. Je trouvais qu'il y avait, au niveau de l'approche visuelle, graphique, des choses qui me faisaient penser à ces deux films-là, quoi. Olivier, quand tu parles justement qu'il n'y a pas vraiment d'envahisseurs, d'une certaine façon, presque les envahisseurs, dès le début, formellement, ce sont les hommes, puisque le début du film commence sur quasiment 7 minutes de description du royaume des fourmis, Et quand vont arriver les hommes, on a encore quasiment deux minutes où Solbass va retarder l'apparition vraiment des protagonistes, puisqu'on les voit apparaître dans leur voiture sillonnant ce désert, où ils sont vraiment quasiment aussi à échelle microscopique dans ce désert pendant un temps. Donc vraiment, voilà, d'une certaine façon, c'est un peu un film d'exploration de la planète Terre au lieu de la planète Mars ou je ne sais quoi. Et les envahisseurs sont pas forcément ce qu'on croit. Bah, c'est-à-dire que justement en transposant ce rapport macro-micro, Solbass va justement filmer la Terre comme la SF de l'époque en tout cas avait l'habitude de filmer le cosmos, l'être humain dans le cosmos. Et à travers ça, il va réussir à filmer le trajet de l'humain d'être dominant à dominer. Et je trouve ça super intéressant. Il y a vraiment dominer et observer d'ailleurs, observateur observé quoi. Et en fait, à travers cette espèce de d'avancement, de modification de l'échelle au cours du film, enfin en tout cas à certains moments du film, en fonction de certaines scènes, il va abolir à certains moments toute différence d'importance entre l'insecte et l'humain, autant visuellement que dans son propos. Enfin, même plus loin, à certains moments, je pense à ce plan qui fait marcher une fourmi sur la Lune. Moi, je voulais réagir justement et parler de cette séquence de fourmis sur la Lune. Là, je ne sais pas si c'est clair, mais... Et je trouve que ça relie très fort à l'introduction, qui est, le mot a été dit, fascinante, ou fascinant par Olivier. Comment il passe de l'énorme, du système solaire, de cette image, à l'infiniment petit, qui est la fourmi, pour le coup. Même si on ne peut pas dire qu'elle soit filmée de manière microscopique ou petite, mais je trouve que c'est, en quelques plans, il arrive à montrer toute l'intelligence et toute la menace des fourmis, justement en passant de cette planète au souterrain, au couloir, aux galeries, etc., qu'on voit des fourmis. Et je trouve que, parce qu'on parlait du micro et du macro, et c'est vrai qu'elles ne sont pas filmées de manière gigantesque, mais en même temps, par les gros plans, par les trucs, elles sont quand même... Elles apparaissent quand même immenses et grandes, et du coup, elles apparaissent quand même comme une menace. Chacun, en fait, est filmé à son échelle. Bah, à certains moments, il va même mettre comme... Il adapte vraiment l'échelle à chaque scène, qu'il veut... enfin, en fonction de ce que chaque scène raconte. Et il y en a une qui est particulièrement parlante à ce niveau-là, c'est la scène où le scientifique veut détruire le labo pour essayer d'écraser une fourmi, où là, il va vraiment switcher de point de vue et donc d'échelle un peu tout le temps. Et à ce moment-là, il va vraiment dissocier la fourmi du scientifique visuellement et au final montrer vraiment l'être humain à ce moment-là dans la narration du film comme une sorte de géant qui est en train de s'écrouler. Quoi. Mais après, là où je trouve que la fourmi est changée, entre guillemets, et modifiée, c'est dans le rapport qu'il y a au son, omniprésent et d'une importance capitale. Et je trouve que par sa musique un peu psychédélique, synthétique et très ancrée dans les 70s, justement, avec les crissements, les bruissements, les stridences, c'est ça qui donne aussi l'étrangeté et donc la peur qu'on peut avoir, la peur que peuvent ressentir les humains vis-à-vis de l'envahissement de ces fourmis. Et les fourmis, elles sont un peu filmées, j'ai l'impression, comme des aliens ou comme des extraterrestres de certains films, avec des sons planants, et ça rajouté à l'imagerie solaire, parfois très jaune, très kitsch qu'il y a dans les extérieurs, comparé à la station qui est très sombre, etc. J'ai l'impression que c'est ça qui donne le danger et la tension dramatique. Le son, il produit vraiment la tension dramatique que les fourmis injectent sur les hommes. Paradoxalement, le son et la musique pourraient t'amener, toi, en tant que spectateur, à te laisser emporter par la proposition visuelle et par la proposition auditive, sonore, et à te laisser un peu porter. Mais c'est presque quelque chose qu'il faut éviter dans le film, parce que sinon, le film te raconte tellement tout par cette proposition-là que si tu te laisses trop emporter, en fait, tu comprends rien. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eu pendant le film. C'est-à-dire qu'il y a vite moyen de se perdre formellement. Du coup, il y a tout aussi moyen de se perdre d'un pur point de vue narratif. Après, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Julien, quand tu dis que les fourmis sont montrées comme des aliens, ça dépend vraiment des moments. Je parle du son qui est... Moi, je parle de la musique sur les moments où elles sont là, qui est toujours un peu planant, strident, et qui du coup donne... Qui rappelle un film d'alien, quoi. dans la diégèse du film, il y a quand même le fait que l'un des savants essaye de décrypter leur langage et qu'il y a toute une histoire d'ondes, etc. Moi, j'ai ressenti cette espèce de strident, cette espèce de nappe permanente, comme le grondement d'une espèce de menace, le fait qu'elles soient un peu toujours là, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont toujours quelque part en train de communiquer et leur présence nous est constamment rappelée. Je suis pas sûr d'ailleurs que ces stridences, en tout cas, elles sont très diminuées quand ils sont à l'intérieur du laboratoire, sauf que t'as le gars qui essaye de les décrypter, quoi. Moi, je trouve que Saul Bass, quelque part, dans ce film-là, il choisit pas son camp parce que t'as, comme le disait Manu au début de l'émission, 7 minutes d'intro sur les fourmis et t'as au moins 2 séquences très longues avec les fourmis à des instants clés du film. Et je trouve que ce sont les séquences les plus émouvantes, en fait. Je suis absolument d'accord avec ça, oui. Les séquences, il y a une séquence où tu vas avoir un multiple sacrifice de fourmis pour essayer d'assimiler le poison qui est... Tu devines très vite où ça va, mais quelque part, c'est assez... Il y a un côté un peu héroïque à ça. Et après, il y a une espèce d'enterrement, il y a une espèce de funérailles de cimetière militaire de fourmis, et elles se recueillent comme ça, et je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment émouvant. A contrario, les scènes qui sont à l'intérieur du labo, je trouve les rapports entre les personnages extrêmement schématiques, et je trouve aussi, les personnages sont presque des espèces de figures. Donc t'as le savant fou qui essaye de faire la guerre, t'as l'autre qui essaye de décrypter le langage, et t'as le personnage complètement improbable de la jeune fille avec ce lien qui se crée avec le scientifique le plus sympa des deux, auquel on ne croit jamais vraiment, enfin qui est vraiment pas très bien esquissé par Saul Bass, quoi. Bah, qui est même limite un petit peu ambigu, mais sans que tu saches, sans que ça soit vraiment complètement embrassé, puisqu'il y a un rapport d'âge entre les deux quand même. Lui est un jeune adulte, elle est une jeune fille, donc tu sais pas à la fin, sans spoiler le film, si là où ils finissent à la fin, le but est juste une reproduction de l'espèce, ou c'est parce que le comportement qu'ils ont eu envers les fourmis a différé de celui vraiment belliqueux du vieux scientifique. Donc il y a quelque chose qui n'est pas forcément effectivement très bien esquissé, comme tu te le dis, entre le rapport entre la jeune fille et le jeune scientifique. Après, ce qui est intéressant quand on parlait justement du son, c'est que l'enjeu principal du film, il est un petit peu comme... Rencontre du troisième type plus tard, c'est vraiment l'enjeu de communication, c'est pas justement un enjeu d'affrontement. C'est ce qu'on va décrypter dans le film, que c'est pas, l'enjeu n'est pas l'affrontement, mais la communication entre les uns et les autres. Et justement, quand tu parles de cette séquence qui est vraiment une séquence pivot, parce que c'est un film, je trouve, extrêmement brillant dans la manière dont il raconte par l'image les choses, en se passant vraiment de paroles, quand tout le fonctionnement des fourmis, et justement comment il arrive à t'émouvoir uniquement par leurs actions, parce que pour le coup, c'est uniquement comme ça qu'elles vont communiquer de l'émotion au spectateur. C'est pas innocent que l'enjeu du film soit placé sur la communication de la part de Saul Bass, qui a justement été un grand, pas communicant, le mot est pas très beau dans le champ artistique, mais quelqu'un de visionnaire, qui a entre guillemets habité d'une vision pour communiquer justement l'essence d'un film, l'essence d'un propos à travers une image, un plan. Mais en plus, cette scène dont parlait Oli, je partage à 100% ce que disait Oli là-dessus, grâce à cette espèce d'anthropomorphisme qu'elle utilise, on va dire. Bon, d'abord, il faut dire que dans le film, pour moi, les fourmis jouent mieux que les acteurs, et ça aide à l'émotion procurée. Mais dans cette scène qui montre les fourmis se sacrifier un par un en se faisant passer un morceau d'agent jaune ou d'agent orange pour l'apporter à la reine, qu'elle puisse créer une nouvelle génération de fourmis immunisées. En fait, il y a un propos hyper politisé, politique, quoi, qui montre clairement, parce que en parallèle de ça, donc on montre vraiment des fourmis qui se sacrifient pour la communauté, et en parallèle de ça, on montre le scientifique qui ment à ses supérieurs hiérarchiques pour son propre ego, en fait. J'y vois vraiment un propos politique, surtout sur un film qui est, en termes de date, qui tourne autour de la guerre froide, etc. C'est exactement ce que j'allais dire, en fait. Du coup, je ne vais pas le répéter, mais effectivement, ils sont individualistes, alors qu'elle se sacrifie, coopère, et je lisais justement que que certains y ont lu, comme tu le dis Lucien, tu parles de guerre froide, mais certains y ont vu une allégorie de la guerre au Vietnam, justement, avec ce liquide jaune qui est lancé comme Hiroshima ou comme du napalm au Vietnam. Et ces scientifiques qui sont un peu individualistes, capitalistes, machin, contre toute une armée sans égo, qui se sacrifient les uns pour les autres et qui œuvrent ensemble. Et qui montrent vraiment un gouvernement américain va en guerre qui traite les victimes humaines comme des dommages collatéraux. Hein. Plutôt dans le film, c'est assez... C'est peut-être le seul moment, moi, du film où je trouve qu'il est un peu schématique. Dans l'association et la mise en parallèle des fourmis qui se font massacrer et de la famille de paysans, où il fait le parallèle entre les deux et les autres qui sont totalement à faire autre chose, occupés par leurs machines, où ils se perdent littéralement au sein de ces réseaux électriques. Là, je trouve que c'est le film à ce moment-là. Et un tout petit peu schématique dans son propos. C'est le petit bémol que j'aurais vis-à-vis du film à ce moment-là. Ouais, schématique dans sa manière d'amener le propos, mais au final... Surtout qu'il le reproduit deux fois, ce schéma de comparaison famille-fourmi. Je suis d'accord, mais c'est plutôt pour moi dans sa manière de développer le propos que dans le propos lui-même. Le film est construit comme une fable avec un propos écologiste qui est assez fort, assez évident. On peut voir vraiment... que le film traite d'un problème de croissance qui est bien plus profond que juste lié au progrès scientifique. Et quand on repense, voilà, je me répète, mais que le film est sorti en 1974, il y a un côté un peu prophétique. Eh ben, c'est intéressant parce que ça nous amène à cette double fin qui existe, parce que bon, donc nous on a vu le film en version courte avec la fin qui ne contient pas cette fameuse séquence qu'on qualifiera vite fait de... Bon, allez, on va dire expérimental parce que j'aime pas le mot psychédélique. Cette séquence expérimentale, à la fin du film, je préfère en fait la fin courte au niveau du propos. C'est-à-dire que selon moi, la fin courte est beaucoup plus ouverte et laisse entendre, un peu à l'instar de 2001, le film de Kubrick, que l'humanité va muter pour, tout comme les fourmis, elles ont muté, l'humanité muterait pour devenir un super homme, ou je ne sais pas, ou en tout cas une autre forme d'humanité. Alors que la fin, le montage qu'on peut voir de la séquence expérimentale laisse beaucoup plus entendre une espèce de nouvel ordre des choses avec un esclavagisme des humains par les fourmis. Je suis d'accord avec toi, encore une fois. Je trouve que c'est une super belle idée de montrer les choses comme le retournement des fourmis, qui est totalement privé d'explication, qui laisse en effet tout ça libre d'interprétation. La fin, pareil. Ça va même plus loin. Pour moi, on peut se poser tout un tas de questions et c'est vraiment très, très ouvert là-dessus. Ça peut être les fourmis. D'abord, est-ce que les fourmis représentent l'homme? Est-ce que les hommes représentent des dieux? Est-ce que... les fourmis se soulèvent-elles simplement contre une espèce qui les menace? Est-ce que c'est un fléau viral commandité par on ne sait qui, un pouvoir mystique ou un pouvoir politique? À certains moments, dans son rapport, il fait beaucoup d'effets graphiques avec des yeux, enfin avec le regard. On peut même plonger dans un autre genre qui est florissant dans les années 70, qui était... Enfin, ce que je veux dire, c'est que le film emprunte aussi au thriller paranoïaque à certains moments. Donc là, oui, le film est extrêmement ouvert, mais pas uniquement dans sa fin, pour moi. Et moi, je trouve qu'il arrive à, comme le dit Lucien, et qu'il arrive à rester très ouvert en ayant une économie de moyens complètement folle. Et parce que je parlais du tout début, où en quelques plans, il montre toute l'intelligence des fourmis, etc. Et je trouve qu'il y a des séquences vraiment qui fonctionnent comme ça... avec deux, trois éléments. Je parle par exemple de la séquence du cheval qui va être mangé, enfin, qui va être attaqué par les fourmis, le feu, le cheval, le plafond qui tombe, qui montre que les vieux doivent quitter l'endroit. Je trouve qu'il y a toujours une efficacité et toujours au service d'une grande sobriété qui fait que le film fonctionne, alors que son scénario, il peut se réduire à deux lignes ou s'expliquer sur un coin de table. Et pourtant, je trouve que le film fonctionne en restant ouvert et en étant très synthétique dans sa manière d'opérer. Quoi. Et comment, à partir d'un cadre très défini et très réduit. Ce laboratoire est juste, on va dire, un périmètre de 6 mètres carrés autour de ce laboratoire. Il arrive à rendre sans tomber dans quelque chose de too much, à produire quand même du spectaculaire. Et notamment, il y avait cette séquence dont on parlait, qui est la séquence où quand le vieux scientifique finit par détruire une partie du laboratoire, complètement aveuglé à l'idée de détruire une simple fourmi. Et dans la façon dont il joue justement avec ces objectifs macro qui se retrouvent appliqués aux mains du scientifique en train de farfouiller dans les étagères à soulever des chipsets de processeurs, tout ça, moi ça m'a rappelé un petit peu en termes de montée spectaculaire ce que faisait Peter Jackson sur Lovely Bone, où notamment il y avait beaucoup de séquences qui étaient filmées avec des objectifs extrêmement macro, assez surprenantes. Ça commence la séquence où la jeune sœur se rendait dans le domicile du tueur en série, où il faisait monter la tension avec une ouverture d'un livre, mais qui était filmé de manière totalement spectaculaire parce qu'il était complètement collé au livre, et donc le moindre mouvement, le moindre son devenait spectaculaire à partir d'une scène qu'il était relativement peu. Pour moi, les limites du film, elles tiennent principalement sur la direction des acteurs et leur écriture, la caractérisation de ces personnages auxquels je ne crois pas toujours, avec lesquels j'ai un peu du mal. Mais justement, entre autres dans la scène dont vient de parler Manu, je trouve qu'il montre un vrai talent pour le cadre et pour le découpage qu'il avait déjà prouvé avec tous les plus grands autres cinéastes avec lesquels il a collaboré, mais pas uniquement dans les scènes où il va jouer avec les superpositions et les dissociations de formes et de couleurs comme ce à quoi on s'attendrait de Saul Bass, parce qu'on a vu Vertigo, parce qu'on a vu Spartacus, parce qu'on a vu tout ça, mais aussi dans des scènes entre guillemets plus classiques. Oui, beaucoup moins portées sur une symbolique évidente. Eh bien voilà, donc on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous invite très fort, on vous invite de concert très activement à découvrir ce film extrêmement intéressant et attachant et singulier. Vous pouvez aussi, si vous nous aimez bien, vous pouvez nous liker sur tous les réseaux, notamment Facebook, Instagram, Twitter. Et pour ce qui est du podcast, vous le retrouvez sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Mixcloud, sur Podcloud. Et surtout sur notre site. Et surtout sur notre site internet transmissionlepodcast.com. Merci à tous et bonne fin de soirée. À très bientôt. On se retrouve, on l'espère, d'ici une dizaine de jours. Merci, ciao.